Jason, bro, this one's for you. Why that? No one knows why you suicide, and I don't either. But I do know that you died in the white man's prison, and I understand you. Why? No one's meant to live in a cage, kid. What is born? Everybody misses you. And today, I reminisce over you, bro. Peace. Peace. Je connais plusieurs personnes qui se sont suicidées, ok? Mais là, c'est mon frère, fait que je fais une tune pour lui, alright? Peace, Jason. I love you. And I love you, Queen Sister. I love you. I love you. I love you. Alright, let's do this. Alright, on va faire ça. Work. Ok, man. La foudre, l'éclair éclaire ma vie sans lumière. La pluie tombe comme les soldats à la guerre. On est dimanche après-midi, je suis assis. J'écris, je crie, je m'ennuie de celui avec qui jadis je faisais des vices inédits avec préjudice. Il était lich, j'étais ma. Ensemble, nous étions malice. Tout débutant à 8 ans, quand un terroriste nous avions démoli, anéanti de vandalisme gratuit, une maison d'amis, où on y avait volé des jouets que nos parents ne pouvaient nous acheter. Piller le vaisselier, casser la bay window, couper la toile de la piscine, en faire échapper H2O. On était tout un commando, deux sacrés numéros, bambino, en quête de fête, pour y jouer les troubles fêtes. On s'est fait arrêter par les policiers, amener, interroger, manipuler, on n'a rien divulgué. 8 ans, entraîné comme à l'armée, armé de fierté, d'intégrité, va te faire les policiers. À cet âge, c'est pas grave, t'es pas gravement menace. Ils ont rapporté Jason dans sa famille adoptive, et moi dans la mienne. Peace, à la prochaine. Je voyais de moins en moins Jason, on vieillissait. Il était Hélénat en prison, j'étais Hélénat en cours et probation. Les seules nouvelles de lui qui m'étaient fournies étaient les journaux, qui parlaient de ses crimes, ses victimes. Mais aujourd'hui, c'est pas les journaux qui m'ont parlé de lui, mais ma sœur Nadia, Queen Sister. Jason est mort, il s'est suicidé. Pourquoi les gens se suicident? Qu'est-ce que l'autre part? Why people suicide? What's on the other side? Pourquoi les gens se suicident? Qu'est-ce qu'il y a d'autre bord? Why people suicide? What's on the other side? Quel est le séjour, le parcours qu'on parcourt avant de mettre fin à ces jours? Quel est le feeling qu'on file? Quelles sont les images qu'on filme? Comment quelqu'un d'âgeun peut se suicider de bon gré, sans regret ni chagrin, avoir la fin? Je sais pas. Je suis peut-être crétin, mais j'aimerais changer le destin, être devin. Pour pouvoir parler avec Jason, voir et entendre ses raisons, peut-être trouver une solution. Quel était le mal qui lui faisait si mal? Que ressentait-il de si brutal? Jason, vole dans mes rêves, explique-moi pourquoi. Vole-moi mes rêves absurdes, éduque-moi. Car je suis là-bas à Los Angeles sans temps ni argent pour aller te voir à Montréal. Ceci est un appel à ton âme. Vole dans mon âme, viole mes rêves, mais dépêche-toi. Je dois savoir pourquoi. Pourquoi toi? Pourquoi ça? Pourquoi les gens se suicident? Qu'est-ce qu'il y a de l'autre bord? Why people suicide? What's on the other side? Pourquoi les gens se suicident, hein? Qu'est-ce qu'il y a de l'autre bord? Why people suicide? What's on the other side? Pourquoi les gens se suicident, man? Qu'est-ce qu'il y a de l'autre bord? Malgré que de bon gré tu aies volé tout le monde dans la famille au moins une fois, crois-moi, personne n'avait perdu la foi en toi. Des fois c'était dur, mais foi, il y avait pour toi. Aujourd'hui je m'ennuie toi. Tout le monde t'aime encore Jason, est-ce que tu vois? Les gens pleurent pour toi. Ta pierre tombale fatale est probablement pavée de l'âme de Queen Sister, notre plus jeune sœur. Jason, mon frère, sois un ange hors pair pour Queen Sister. Protège-la contre les esprits du mal, les malfaiteurs. Sois un commando, yo, comprendo, vato. Ne laisse rien la blesser, niet, nothing, zero. Car malgré vos différends, vous étiez des durant l'eau, vato. Ceci sera notre dernière mission ensemble, Jason. Tu la protégeras sans repos, sans relâche, jour et nuit, sans répit, pour la vie, dans le monde spirituel des âmes. Je la protégerai, je jure, dans toutes les jungles of building, dans toutes les villes, les rues et les avenues. Adieu, Jason. Adieu. Adieu, on boit. Pourquoi les gens se suicident? Qu'est-ce qu'il y a de l'autre bord? Why people suicide? What's on the other side? Pourquoi les gens se suicident? Qu'est-ce qu'il y a de l'autre bord? Why people suicide? What's on the other side? Pourquoi les gens se suicident, man? Qu'est-ce qu'il y a de l'autre bord? trois pieds pour sur le sol. Une larme, filetaine, une lame vient d'échapper à mon âme. Je suis fort, oui, mais honnête, vrai, pas fake. Je ressens la douleur dans mon cœur, le poids dans le noir. Mais yo, j'ai l'espoir qu'un jour peut-être un esprit ou un enfant m'expliquera ce que Jason ressentait et ce qu'il maintenant ressent. Quand je regarde le ciel, je te vois, Jason. Je t'entends. Je sens ta présence. Toi, m'entends-tu? M'entends-tu, Kid? M'entends-tu, Jason? Peace. Peace, Jason. Et peace, Queen Sister. Fais-t'en pas, babe. C'est pas de ta faute. Hey, t'as rien à voir là-dedans. Rien à voir. C'est pas ta faute, Panda. I love you, Queen Sister. I love you. Lâche pas. T'es ma petite soeur, t'es ma petite amour. Puis t'es la meilleure. Amen. T'es la meilleure. Amen. Amen. T'es la meilleure. Word up. Peace, babe. I love you, Queen.